Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française présente Noce de sang de Federico Garcia Lorca, dans la traduction de Marcel Auclair et Jean Prévost. Cette émission vous sera donnée sous la direction artistique de Jacques Régnier, à qui nous cédons le micro. Vous allez entendre pour la première fois sur les ondes l'admirable pièce de Federico Garcia Lorca, Noce de sang, dans la traduction de Marcel Auclair et Jean Prévost. Cette pièce, qui fut créée quelques mois avant la guerre par le Rideau de Paris de Marcel Héran et Jean Marchat, est la première œuvre du poète espagnol qui fut présentée au public français. Nous avons donc jugé opportun de demander à Marcel Héran, qui a mis la pièce en scène au Mathurin Rideau de Paris, de vous parler de Federico Garcia Lorca. C'est en juin 1938 que nous avons eu le bonheur et le grand honneur de monter, jouer et mettre en scène les Noces de sang de Federico Garcia Lorca, dans l'incomparable adaptation de Marcel Auclair et Jean Prévost. Federico Garcia Lorca est né à Grenade en 1899. Licencié en droit, il se consacre aux lettres et à la poésie. En 1918, il publie un ouvrage de prose, Impressions et paysages. En 1921, une plaquette de vers, Libro de Poemas. Puis il voyage en Angleterre, aux États-Unis, à Cuba, et séjourne très souvent en France. En 1927, il publie un recueil de chansons, et en 1928, il fait paraître son chef-d'œuvre poétique, le roman de Cerro Gitano. Federico Garcia Lorca s'occupe alors de théâtre et fonde un groupement nommé La Baraca, qui parcourt toute l'Espagne. Ses œuvres dramatiques principales sont, outre Noce de sang que vous allez entendre, Mariana Pineda, Yerma, La Cordonnière prodigieuse, L'amour de Don Perlimpin. Qu'il nous soit permis de dire ici notre double émotion en pensant et rappelant que Federico Garcia Lorca a été fusillé par les fascistes et que Jean Prévost, son traducteur, a subi le même sort au cours de la dernière guerre. Merci Marcel Héran. Nous avons pu réunir pour cette émission plusieurs créateurs de Noce de sang. Jean Marchat, Germaine Montero, Marcel Lupovici, Charlotte Clasis, Annie Cariel et Germaine Ledoyen. Enfin, c'est Berthe Bovy qui interprétera la mère, Tony Taffin de la Comédie Française, le fiancé, avec Françoise Prévost, Denise Kerny, Marguerite Cassan, Martine Audrin, Linette Lemercier, Robert Moncade, Pierre Leproux, Jean Berger et Claude Marcan. Les textes d'enchaînement seront lus par André Ducret. Enfin, Marcel Héran a bien voulu accepter de jouer le rôle du père. Les airs espagnols seront chantés par Germaine Montero, accompagnée par Borédon, qui a joué en solo, à la guitare, les différents airs du folklore espagnol. La prise de son est d'André Papiou, assisté de Jacques Gaillet, et le bruitage est de Charles Jacquet. Se passe parmi les paysans d'Andalousie, une chambre commune peinte en jaune. Mère ! Quoi ? Je m'en vais. Où ça ? À la vigne. Attends. Quoi donc ? Ton déjeuner. Laisse, je mangerai du raisin. Donne-moi mon couteau. Pourquoi faire ? Pour couper les grappes. Le couteau, maudit soit-il tous. Et maudit celui qui les a inventés. Parlons d'autre chose. Et maudit les fusils, les pistolets, la plus petite des lames. Et maudit de soi-même les bêches et les fourches. Ça va. Tout ce qui peut fendre le corps de l'homme. Un bel homme, la fleur à la bouche, qui se rend à sa vigne ou à son oliveraie dont il est propriétaire par droit d'héritage. Taisez-vous. Et cet homme-là ne revient pas. S'il revient, il vaut juste la palme ou l'assiette de gros sel qu'on met sur un mort pour l'empêcher de gonfler. Je ne sais pas comment tu oses porter un couteau sur toi. Et pourquoi je laisse la serpe dans la huche. Ça suffit. Vivrai 100 ans que je ne parlerai pas d'autre chose. D'abord ton père, qui pour moi sentait l'œillet. J'ai joui de lui 3 ans à peine. Et puis ton frère. Est-ce juste? Est-il possible qu'une chose menue, pistolet ou couteau, puisse en finir avec un homme fait comme un taureau? Jamais je ne me tairai. Les mois et les années passent, le désespoir me pique les yeux, jusqu'à la pointe des cheveux. Vas-tu te taire? Non, je ne me tairai pas. Peut-on me ramener ton père, ton frère? Il y a le bagne. Ah ah! Qu'est-ce que c'est le bagne? On y mange, on y fume, tandis que mes morts sont pleins d'herbes sans parole en poussière. Des hommes qui étaient comme deux géraniums. Les assassins, eux, sont au bagne, virés et regardant les bois. C'est-il que vous voulez que je les tue? Non. Non, mais si je parle, c'est que... Comment ne pas parler quand je te vois sortir par cette porte? C'est que... Je n'aime pas que tu prennes un couteau. Et que je voudrais que tu n'ailles pas au champ. Ah, allons bon. J'aurais voulu que tu sois une fille. Je n'irais pas au champ. Nous resterions ici toutes les deux à broder des garnitures ou des petits chiens en laine. Mère! Et si je vous emmenais à la vigne avec moi? Que ferais-tu d'une vieille à la vigne? Tu me cacherais dans les pampres? Vieille, très vieille, et plus vieille encore. Ton père, lui, il m'emmenait. Bonne caste, bon sang. Ton aïeul a semé des enfants partout. Voilà qui me plaît. Les hommes, bon mal. Le blé, bon blé. Et moi, mère? Quoi, toi? Faut que je le redise. Ah. Ça vous déplaît? Non. Alors? Ah, je ne sais pas moi-même, ça me surprend toujours. Oh, je sais que les braves filles, n'est-ce pas? Gentilles, travailleuses. Oui. Mm-hmm. Elles pétrient elles-mêmes son pain, cousent ses jupes. Et pourtant, quand on la nomme, c'est comme si je recevais une pierre en plein front. Sottise. Ah, pire que sottise. Et c'est qu'alors je resterai seule. Je n'ai plus que toi. Je regrette que tu t'en ailles. Vous viendrez avec nous? Non. Je ne peux pas laisser ton père et ton frère seuls, ici. Faut que j'aille tous les matins, au cimetière. Si un des Félix mourait, un de la famille des assassins, si on me l'enterrait auprès des miens, pour ça non, ah ah, pour ça non, je le déterrerais avec mes ongles et je l'éclaterais contre le mur. Ça recommence. Pardon. Combien de temps ça fait-il que tu la fréquentes? 3 ans. Depuis, j'ai pu acheter les vignes. 3 ans. Elle a déjà été fiancée, pas vrai? Je n'en sais rien, je crois que non. Et puis, une fille doit regarder qui elle épouse. Oui. Mais moi, je n'ai regardé personne. J'ai regardé ton père. Et quand on me l'a tué, j'ai regardé le mur, d'en face. Une femme avec un homme. C'est tout. Vous savez bien que ma fiancée est sage. Je n'en doute pas. Ah, tout de même, j'aimerais savoir comment était sa mère. Qu'est-ce que ça peut faire? Fils. Que voulez-vous encore? Enfin, c'est bon. Ah, tu as raison. Quand veux-tu que je fasse la demande? Dimanche. Ça vous irait? Mmh. Je lui porterai les boucles de bronze, elles sont anciennes. Et toi, jette-lui... Oh, vous savez mieux que moi. Jette-lui des bas à jour. Et pour toi, fais faire 2 habits. 3 habits. Je n'ai que toi. Je m'en vais. J'irai la voir demain. Oui. Et tâche de me réjouir avec 6 petits-enfants. Ou davantage, si ça te fait envie. Puisque ton père n'a pas eu le temps de me les donner. Le premier-né sera pour vous. Oui. Mais qui est des filles? Je veux broder, faire de la dentelle et avoir la paix. Je suis certain que vous aimerez ma fiancée. Je l'aimerai. Mais va. Tu n'es plus d'âge à ce que je t'embrasse. Tu embrasseras ta femme quand elle sera ta femme. Je m'en vais. Bêche bien la vigne du petit moulin. Tu la négliges. Entendu. Je te garde. La mère reste assise, le dos tourné à la porte. Apparaît sur le seuil une voisine, vêtue de sombre, un châle sur la tête. Entre. Comment vas-tu? Comme tu peux voir. Je suis descendue aux provisions et j'entre en passant. Nous habitons si loin. Il y a 20 ans que je ne suis pas montée au bout de la rue. Toi, tu vas bien, tu crois? Tout passe. Il y a 2 jours, le fils de ma voisine a eu les 2 bras coupés par la machine. Raphaël? Je pense que ton fils et le mien sont bien là où ils sont, couchés, tranquilles. Plutôt qu'exposés à vivre estropiés. Tais-toi, invention de tout ça, ça ne console point. Et ton fils? Il est sorti. Il a fini par l'acheter, sa vigne. Mmh, il a eu de la chance. Il va pouvoir se marier. Écoute. Dis-moi. Tu connais la fiancée de mon fils? C'est une bonne fille. Oui. Mais... Mais qui la connaît à fond? Personne. Elle vit seule avec son père là-bas, si loin, à 10 lieues de toute autre maison. Mais elle est brave, habituée à la solitude. Et sa mère? J'ai connu sa mère. Elle était très belle, sa figure brillait comme celle d'une sainte. Mais à moi, jamais elle ne m'a plu. Elle n'aimait pas son mari. Vous en savez des choses, vous, les gens. Pardonne-moi, je n'ai voulu offenser personne, mais c'est la vérité. Maintenant, si elle était honnête ou pas, nul ne l'a dit. On n'a pas parlé d'elle. C'était une orgueilleuse. Encore. C'est toi qui me questionne. C'est que je voudrais que personne ne les connaisse, ni la vivante, ni la morte. Qu'elles soient comme des chardons qu'on ne nomme même pas, mais qui piquent s'il le faut. Tu as raison. Ton fils vaut son pesant d'or. Il le vaut. Ou si je le ménage. On m'avait dit que la jeune fille avait déjà été fiancée. Elle avait bien 15 ans. Il y a déjà 2 années qu'il s'est marié, lui, avec une de ses cousines à elle. Oh, tout le monde a oublié ses fiançailles. Ah, toi, tu ne les as pas oubliées. Je réponds. Chacun aime à savoir ce qui peut le faire souffrir. Qui était ce fiancé? Léonard. Quel Léonard? Léonard des Félix. Des Félix? Femme, c'est pas la faute de Léonard. Il avait 8 ans au moment de vos histoires. C'est vrai. Mais quand on nomme, c'est Félix. Félix. C'est comme si ma bouche se remplissait de boue. Et il faut que je crache. Que je crache. Pour ne pas te tuer. Calme-toi. À quoi ça t'avance? Vois rien. Mais tu me comprends. Ne t'oppose pas au bonheur de ton fils. Ne lui dis rien. Tu es vieille, moi aussi. Toi et moi, nous n'avons plus qu'à nous taire. Oh, je ne dirai rien. Rien. Tout ce qui arrive... Je m'en vais. Ils vont bientôt rentrer des champs. Qu'est-ce que tu dis de cette chaleur? Les gosses qui portaient à boire au moissonneur étaient tout noirs. Adieu, femme. Adieu. Une pièce peinte en rose avec des cuivres et des bouquets rustiques. Au centre, une table couverte d'une nappe. La belle-mère tient dans les bras un enfant qu'elle berce. La femme de Léonard tricote à l'autre bout de la chambre. La cavale noire n'a pas voulu boire. Et l'eau coulait noire entre les rameaux. Au pont se repose, s'y met à chanter. Qui sait quelle chose elle peut compter quand l'eau se promène, traînant longue traîne. Dormez, mon œillet, la cavale noire n'a pas voulu boire. Dormez, mon rosier, la cavale noire s'est mise à pleurer. Les pattes blessées, crinières glacées, dans ses yeux plongeants, un poignard d'argent, roulent à la rive, comme ils ont roulé. Le sang a coulé plus fort que l'eau vive. Dormez, mon œillet. La cavale noire n'a pas voulu boire. Endors-toi, rosier. La cavale noire s'est mise à pleurer. Sa bouche brûlante aux mouches d'argent renacle en soufflant contre l'eau courante. Ennemi, front dressé aux montagnes dures. Le fleuve a passé sur son encolure. Aïe, cavale noire qui ne veut pas boire, neige de chagrin, cheval du matin. Contre votre réveil, la fenêtre est fermée, de rameaux de sommeil, de songes de ramée. Mon enfant s'endort, mon enfant se tait. Cheval, mon enfant a un oreiller, un berceau d'acier, des draps de Hollande. Do, l'enfant do. Aïe, cavale noire qui n'a voulu boire. N'entre pas, arrête, cours à la montagne, dans les vallées grises, vers les juments grises. Mon enfant s'endort. Mon enfant repose. Dormez, mon œillet. La cavale noire n'a pas voulu boire. Dormez, mon œillet. La cavale noire s'est mise à pleurer. La petite. Il s'est endormi. Il n'allait pas bien hier. Il a pleuré toute la nuit. Aujourd'hui, il est frais comme un dahlia. Et toi, as-tu été chez le maréchal Ferrand? J'en reviens. Crois-tu? Depuis quelque temps, mon cheval perd tous ses fers neufs. Ce sont sans doute les cailloux qui les arrachent. Tu le montes peut-être beaucoup? Mais non, je m'en sers à peine. Hier, des voisines m'ont dit qu'on t'a vu aux confins des plaines. Qui t'a dit ça? Celle qui cueille les capres. C'était toi? Qu'irais-je faire dans ces causes? C'est bien ce que j'ai répondu. Et ton cheval était crevé, en sueur. Tu l'as vu? Moi, non. Ma mère. Elle est avec le petit? Oui. Veux-tu une citronnade? Oui, avec de l'eau très fraîche. Puisqu'aujourd'hui, tu n'es pas venu manger. J'étais avec ceux qui mesurent le blé. Le temps a passé. Il le paie bien? Le prix juste. J'ai besoin d'une robe. Et le petit d'un bonnet à ruban. Je vais le voir. Attention. Il dort. Mais qui donc fait faire ses courses au cheval? Il est en bas, couché, les yeux hors de la tête. Comme s'il venait du bout du monde. Moi? Pardon, il t'appartient. Il a été avec ceux qui mesurent le blé. Pour ce qui est de moi, le cheval peut bien crever. Bois. C'est frais. Oui. Sais-tu qu'on fait la demande pour ma cousine? Quand? Demain. Et dans un mois, la noce. J'espère qu'on viendra nous inviter. Je n'en sais rien. Je crois que sa mère à lui n'est pas très contente du mariage. Elle a peut-être raison. C'est une fille à surveiller. Je n'aime pas qu'on pense mal d'une brave fille. Il dit ça parce qu'il la connaît. Parce qu'il a été 3 ans son fiancé. Mère! Mais je l'ai quittée! Tu ne vas pas pleurer maintenant! Allons voir le petit. Madame! Quoi? Le fiancé est venu au magasin et il a acheté tout ce qu'il y avait de mieux. Il est venu seul? Oh non, avec sa mère. Elle est grande, l'air sévère. Et quel étalage! Ils ont de l'argent. Ils ont acheté des bas à jour. Oh, quels bas! Les bas les plus beaux qu'une femme puisse rêver. Regardez, une hirondelle ici, un bateau ici, et ici une rose. Allons, petite, allons. Une rose avec les pétales et la tige. Aïe, tout en soie. Zalie, de bon patrimoine. Je viens vous raconter ce qu'ils achètent. Ça nous est égal. Le cela dit. Ah, Léonard, il n'y a aucune raison. Excusez-moi, je ne savais pas. Oh, quel besoin as-tu de te brouiller avec les gens? Je vous demande pas votre avis. Bien. Qu'as-tu? Quelle idée te travaille? Je ne veux pas rester ainsi sans rien savoir. Laisse. Je veux que tu me dises. Laisse-moi. Où vas-tu? La terras-tu? Oh, tais-toi. Le petit. Les pattes blessées, crinière glacée, dans ses yeux plongeants, un poignard d'argent, roulent à la rive, comme ils ont roulé. Le sang a coulé, plus fort que l'eau vive. Dormez, mon œillet, la cavale noire a bien voulu boire. Dormez, mon rosier, la cavale noire s'est mise à pleurer. Dodo, l'enfant d'eau. Oh, cavale noire qui n'a voulu boire. N'entre pas, arrête, pars à la montagne. Neige de chagrin, cheval du matin. Mon enfant s'endort. Mon enfant repose. Dormez, mon œillet. La cavale noire n'a pas voulu boire. Endors-toi, rosier. La cavale noire s'est mise à pleurer. Cuando a tu madre la dije, cuando a tu madre la dije que iba contigo a casarme, ella me dijo que no es niña de mi corazón. Ella me dijo que no es, yo la dije que son pares. Cuando a tu madre la dije que iba contigo a casarme. Señor alcalde mayor, señor alcalde mayor, no prenda usted a los ladrones, porque tiene usted una hija sola y no puedo más. Porque tiene usted una hija que roba los corazones. Señor alcalde mayor, no prenda usted a los ladrones. Dans la Sierra de Gredos, l'intérieur de la grotte où habite la fiancée. Au fond, une croix de grandes fleurs roses. Les portes sont rondes, avec des rideaux de dentelle noués de rubans roses. Au mur, fait d'une matière blanche et dure, des éventails ronds, des vases bleus et de petits miroirs. Entrez ! La servante fait entrer le fiancé et sa mère. La mère, vêtue de satin noir, porte une mantille en dentelle. Le fiancé a un costume en velours à côtes et une grosse chaîne d'or. Voulez-vous vous asseoir? Ils viennent tout de suite. As-tu pris ta montre? Oui. Êtes-vous rentré de bonne heure? Que ces gens-là vivent loin. Mais les terres sont bonnes. Bonnes, mais trop isolées. En 4 heures de voyage, pas une maison, pas un arbre. Ce sont les causes. Et tout ça, ton père l'aurait couvert d'arbres. Sans eau? Il en aurait cherché. Pendant les 3 ans que nous avons été mariés, il a planté 2 cerisiers, les 3 noyers du moulin, toute une vigne et une plante qu'on appelle Jupiter, qui donne des fleurs rouges et qui a séché. Elle doit être en train de s'habiller. Entre le père de la fiancée, c'est un vieillard aux blancs cheveux brillants. Il a la tête penchée. La mère et le fiancé se lèvent et lui donnent la main en silence. Vous avez pris le chemin le plus long. Je suis trop vieille pour prendre par les fondrières du fleuve. Ça lui donne mal au cœur. Mm-hmm. Bonne récolte d'alpha. Vraiment bonne. De mon temps, ces terres ne donnaient pas même d'alpha. Il a fallu les châtier, les supplier pour qu'elles profitent. Mais elles rapportent maintenant. Alors je ne me plains pas, je ne vais rien te demander. Ah, tu es plus riche que moi. Les vignes, c'est une fortune. Chaque plant vaut une pièce d'argent. Ce que je regrette, moi, c'est que nos terres, tu comprends, soient séparées. J'aime que tout soit ensemble. J'ai une épine dans le cœur, un petit verger enclavé dans mes terres et qu'on ne veut pas me vendre pour tout l'or du monde. C'est toujours ce qui arrive. Si 20 paires de bœufs pouvaient amener tes vignes ici et les installer au flanc du coteau, ça serait une joie. Pourquoi ? Mais ce qui est à moi est à elle, ce qui est à toi est à lui. Pour voir tout ensemble, car tout ensemble, ça c'est beau. Quand je mourrai, vous vendrez les terres de là-bas. Et vous en achèterez près d'ici. Vendre, vendre, c'est acheter qu'il faut, ma fille. Tout acheter. Si j'avais eu des gars, j'aurais acheté ce plateau jusqu'au ruisseau. La terre n'est pas bonne, mais avec des bras, on la bonifie. Et comme il n'y a pas ici de passant pour te voler tes fruits, tu peux dormir tranquille. Tu sais ce qui m'amène. Oui. Alors? Je veux bien, puisqu'ils sont d'accord. Mon fils, il a de quoi. Et ma fille aussi. Mon fils est brave. Il n'a jamais connu de femme. Son honneur est plus blanc qu'un drap mis au soleil. Et que dire de la mienne? Elle commence à pétrir le pain le matin à 3 heures quand l'étoile du berger se lève. Jamais elle ne bavarde. Douce comme laine. Elle brode toutes sortes de broderies et pourrait couper une corde avec ses dents. Bénie soit sa maison. Que Dieu la bénisse. Quel jour la noce? Jeudi prochain. Ce jour-là même, elle aura 22 ans. 22 ans? C'est l'âge qu'aurait mon fils aîné s'il avait vécu. Car il vivrait chaud et mâle qu'il était, si les hommes n'avaient pas inventé le pistolet. Il ne faut pas penser à ça. J'y pense tout le temps. Alors, n'est-ce pas, jeudi? Oui. Les mariés et nous irons en voiture jusqu'à l'église, qui est très éloignée. Les gens du cortège prendront les charrettes et les chevaux qui les auront amenés. Entendu. Servante. Oui? Dis-lui qu'elle peut entrer. Bien. Je serai content qu'elle te plaise. Approche. Tu es contente? Oui, madame. Ne prends pas cet air empointé. À la fin du compte, elle va être ta mère. Je suis contente. Si j'ai dit oui, c'est que je le voulais bien. Oui, naturellement. Regarde-moi. C'est tout le portrait de ma femme. Oui? Quel beau regard. Tu sais ce que c'est que le mariage, mon enfant? Je sais. Un homme, des enfants. Et un gros mur entre toi et tout le reste. Y a-t-il besoin d'autre chose? Non. Mais qu'ils vivent tous. Ça, oui. Qu'ils vivent. Je ferai mon devoir. Tiens, des cadeaux. Merci. Vous prendrez bien quelque chose? Non, moi, rien. Et toi? Je veux bien. Du vin? Il n'en boit jamais. Tant mieux. Je viendrai demain. À quelle heure? 5 heures. Je t'attendrai. Quand je te quitte, je sens un grand arrachement et comme un nœud à la gorge. Ça changera quand tu seras mon mari. Oui, c'est ce que je me dis. Allons, allons, le soleil n'attend pas. Nous sommes d'accord, surtout. Nous sommes d'accord. Au revoir. Dieu vous garde. Au revoir, ma fille. Je vais avec vous. Je crève d'envie de faire les cadeaux. Laisse ça. Allons, montre. Je ne veux pas. Au moins, les bas, on dit qu'ils sont tout à jour. Oh, je t'en prie. J'ai dit non. Mon Dieu, ça va. On dirait que tu n'as pas envie de te marier. Oh, petite, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu regrettes de renoncer à cette existence de reine? Ne pense à rien d'amer. As-tu des raisons? Aucune. Allons voir les cadeaux. Lâche ça. Mais voyons. Lâche, te dis-je. Oh, tu es aussi forte qu'un homme. N'ai-je pas travaillé comme un homme? Oh, si j'étais seulement un garçon. Tu ne dois pas dire ça. Tais-toi, te dis-je. Parlons d'autre chose. La nuit dernière, as-tu attendu un cheval? À quelle heure? 3 heures. C'était sans doute un échappé du troupeau. Non. Il était monté. Quand sais-tu? Je l'ai vu. On l'a arrêté devant ta fenêtre. Ça m'a étonnée. C'est peut-être mon fiancé. Il lui arrive de venir vers ces heures-là. Non. Tu as reconnu quelqu'un? Oui. Qui était-ce? C'était Léonard. Menteuse, menteuse! Que viendra-t-il faire? Il est venu! Tais-toi! Maudite soit ta langue! Regarde! Pense-toi. C'était lui. Eh bien, oui. C'était lui. Thank you.

Je n'ai pas cherché à te voir, je t'ai laissé passer des nuits et des nuits sans sommeil. Cela n'a servi qu'à me faire brûler vif. Tu crois que le temps guérit, que les murs protègent? Pas vrai. Quand les choses arrivent à nos centres, rien ne peut les arracher. Je ne peux pas t'entendre. Je ne peux pas entendre ta voix. C'est comme si je buvais de la liqueur d'anis et je m'endors sur un matelas de rose. Ta voix me tire, je sais que je vais me noyer, mais je la suis. Pars immédiatement. C'est la dernière fois que je lui parle, n'aie pas peur. Je sais que je suis folle. Je sais que je pourris en dents à force d'endurer. Et je me contrains à rester ici, tranquille, à l'écouter, à le regarder remuer les bras. Pour retrouver la paix, il fallait que je te dise ces choses. Je me suis bien marié. Marie-toi à ton tour. Et elle se marie. Qui vient roulant par le pays, portant sur des plats de grands dahlia et des pains bénis. Lève-toi, la mariée. Viendras-tu, la mariée, donner ta tête couronnée, à nouer d'un ruban doré par le marié. Descends, blanche mariée, aujourd'hui fille et épousée. Lève-toi, la mariée. Le matin de tes noces. Descends, la mariée, dans ta robe à traîne. On dirait la femme d'un capitaine. Le fiancé emmène femme de capitaine. Fille heureuse. Debout, la mariée. Ah, ma belle. Ta noce t'appelle par la fenêtre. Lève-toi, la mariée. La mariée, la mariée. Cloche sonnée à la volée. La voici, elle arrive. Et comme un taureau, la noce se lève. Lève-toi, la mariée. Ta noce est arrivée. Voici nos gens, toi ne l'approche plus. Écrase. Al salir de tu casa para la iglesia, acuérdate que sales como una estrella. Como una estrella, como una estrella. Al salir de tu casa para la iglesia, acuérdate que sales como una estrella. Despierte la novia, despierte la novia. Despierte la novia, despierte la novia. La mañana de la boda, la mañana de la boda. Lève-toi, la mariée, ta noce est arrivée, la ronde est commencée, ohé. Lève-toi, la mariée. À chaque maison guirlande nouée, nouée pour toi, et lève-toi. Sois-tu bien éveillée, les tresses dénouées, ohé. Chemise fine de lin blanc, souliers vernis, boucles d'argent, couronne de jasmin tressée, sois-tu bien éveillée, ohé. La lune est déjà claire, berger. Laisse ton chapeau, berger, cache-le sous les oliviers. La mariée paraît. Elle porte une robe noire à la mode de 1900, à longue traîne, entourée de volants de gaze plissés et de dentelles dures. Sur sa coiffure se détache la couronne de fleurs d'oranger. Que tes cheveux sentent bon! Quel parfum! Aucun. Sa robe est d'une étoffe comme on n'en voit pas. La mariée, le voici! Salut! Le fiancé ressemble à la fleur de l'or! Quel regard tranquille! Pourquoi as-tu mis ces souliers jaunes? Cela fait plus gai que du noir. Salut! Nous te couronnons le matin de tes noces. Que la campagne se réjouisse de l'eau de ta chevelure. Ceux-là sont venus aussi? Ils sont de la famille, c'est le jour du pardon. Je me maîtriserai, mais je ne pardonne pas. Que tu es belle à voir ainsi couronnée. Allons-nous-en vite à l'église. Tu es pressée? Oui, j'ai hâte d'être ta femme, de rester seule avec toi, de ne plus entendre d'autres voix que la tienne. Je le veux aussi. Oh, je voudrais ne plus voir d'autres yeux que tes yeux. Puisses-tu me serrer si fort que même si ma mère morte m'appelait, il me soit impossible de m'arracher à toi. Mes bras sont forts, je vais t'éteindre pendant 40 ans. Toute la vie. Allons vite, les chevaux, les charrettes, partons, le soleil est levé. Attention, que cette heure ne nous soit pas néfaste. N'oublie pas, jeune fille, que tu sors de la maison paternelle comme une étoile. Ton corps pur, vêtu de linge propre, tu quittes ta maison pour aller à tes noces. Tu quittes ta maison pour aller à l'église. Il pleut des fleurs sur le sable. Oh, blanche fille. Brise sombre,

aurait pu me donner beaucoup d'enfants. Et je voudrais que ça puisse se faire en un jour, qu'ils aient 2 ou 3 enfants tout de suite. Non, ça prend du temps. C'est pour ça que c'est si terrible de voir couler le sang de ces enfants. 1 minute, et c'en est fait, de tout ce qui nous a coûté des années à nous. Quand je suis arrivée auprès de mon fils, il était écroulé au milieu de la rue. J'ai trempé mes mains dans son sang et je les ai léchées à pleine langue. C'était aussi mon sang à moi. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. La terre qui a bu ce sang-là, je la mettrai dans un ostensoir en topaz et en cristal. Allons, allons, tu peux reprendre espoir maintenant. Ma fille est large et ton fils est fort. Aussi, j'espère. Prépare les plateaux de blé. Ils sont prêts. Qu'ils soient heureux. Merci. On va festoyer. Un peu, mais les gens ne savent plus s'amuser. Les voici. Jamais on a vu autant de monde à une noce. Jamais. Ah, c'était beau. Toute la parenté est venue. Des gens qui ne sortent jamais de chez eux. Ton père a beaucoup semé, toi tu récoltes. Il y a des cousins que je ne connaissais pas. Oui, ceux de la côte. Ils prenaient peur des chevaux. À quoi penses-tu? Je ne pense à rien. Les bénédictions pèsent lourd. Comme du plomb. Elles ne doivent pas te peser. Tu dois être légère comme une colombe. Vous passez la nuit ici? Non. Je ne veux pas laisser ma maison seule. Vous devriez rester. Et regardez-les danser. Ce sont les danses de là-bas, du bord de la mer. Ce sont les cousins de mon mari. Fermes comme roc quand il s'agit de danser. Ah, cela me réjouit de les voir. Je ne reconnais plus ma maison. L'oranger t'a fait plaisir? Oui. Il est tout en cire, il durera toute la vie. J'aurais aimé que ta robe en soit couverte. À quoi bon? Nous allons enlever les épingles de ta couronne. Je reviens tout de suite. J'espère que tu seras heureux avec ma cousine. J'en suis sûr. Vous allez vivre ici tous les deux sans jamais sortir de chez vous. Vous ferez une maison prospère. Comme j'aimerais, moi, vivre ainsi, loin de tout. Pourquoi n'achetez-vous pas de terre? Ce n'est pas cher dans la montagne et les enfants s'y élèvent mieux qu'ailleurs. Nous n'avons pas d'argent. Et nous ne sommes pas prêts d'en avoir. Ton mari est pourtant courageux. Oui, mais il est un peu en l'air. Il n'aime pas à aller d'une chose à l'autre. Ce n'est pas un homme tranquille. Tu ne manges pas? Je vais te donner quelques biscuits au vin pour ta mère. Elle les aime bien. Donne-lui en 3 douzaines. Une de mes douzaines me suffira. Ah, ce n'est pas tous les jours fait. Sais-tu où est Léonard? Je ne l'ai pas vu. Il doit être avec les autres. Je vais voir. Ah, c'est beau tout ça. Et toi, tu ne danses pas? Personne ne me vit. Ben, ils n'y connaissent rien. Les vieilles aussi vertes que toi dansent bien mieux que les jeunes filles. Vas-tu m'en compter? quelle famille! Mâle entre les mâles. J'ai vu se marier ton grand-père. Quel homme! On aurait dit la noce d'une montagne. Ah, je suis moins grand que lui. Mais tu as les mêmes yeux brillants. Et la petite? Elle enlève sa couronne. Ah! Pour la nuit, comme vous ne dormirez pas, j'ai préparé du jambon et de grands verres de vin vieux dans le bas du buffet, au cas où vous en auriez envie. Je ne mange pas la nuit. La mariée mangera bien. Il faut que tu boives avec nous. J'attends la mariée. Tu l'auras au petit matin. C'est le meilleur moment. Viens un instant. Allons. À qui as-tu donné ta première épingle? À moi ou à elle? Je ne me rappelle pas. Mais c'est à moi, tu m'as donné la mienne ici même. Non, c'est à moi, tu me l'as donnée devant l'hôtel. Je n'en sais rien. Mais c'est que je voudrais que tu... Ça m'est égal. Il faut que je réfléchisse. Oh, pardon. Ces moments-ci sont bien agités. Ben, nous n'en savons rien, nous. Vous saurez quand votre heure sera venue. C'est une grande décision de prise. Tu es fâchée? Non, pardonnez-moi. Te pardonner? Oh, n'importe laquelle des deux épingles a le pouvoir de nous faire marier dans l'année, pas vrai? Toutes les deux. Mais l'une de nous se mariera un peu plus vite. Vous êtes si pressée. Oui. Pourquoi? Mais... Le fiancé arrive tout doucement derrière elle et la serre dans ses bras. Laisse! Tu as peur de moi? C'était toi. Mais qui donc alors? Ce ne pouvait être que ton père ou moi. C'est vrai. Seulement ton père ne t'aurait pas serré si fort. Naturellement. Il est vieux, lui. Lâche-moi! Pourquoi? Mais les gens, on pourrait nous voir. Et puis quoi? Nous avons reçu la bénédiction. Oui, mais laisse-moi, plus tard. Mais qu'as-tu? Tu as l'air effrayé. Non, je n'ai rien. Ne t'en va pas! Je ne voudrais pas interrompre. Mais non. Avez-vous vu mon mari? Non.

un drap de soie. L'eau pleure dans tes mains inertes. Aïe, voici venir quatre garçons courbés sous le poids. Aïe, quatre garçons portent la mort dans l'air. Voisine, on les apporte. Toujours pareil, la croix. Que la croix protège vivants et morts. Voisine, il était écrit qu'avec un tout petit couteau, entre 2 et 3 heures, un certain jour, les deux hommes de l'amour s'entretueraient avec un couteau, un petit couteau, qui tient à peine dans la main. Mais il pénètre finement dans les chairs surprises et s'arrête à l'endroit où tremble enchevêtrée la sombre racine de nos cris. Un petit couteau qui tient à peine dans la main, poisson sans écaille, sans fleuve, le jour dit, entre 2 et 3 heures, de par ce tout petit couteau, deux hommes sont restés durcis à jamais, les lèvres toutes jaunes. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vient de vous présenter « Noces de sang » de Federico Garcia Lorca, dans la traduction de Marcel Auclair et Jean Prévost. Cette émission vous a été donnée sous la direction artistique de Jacques Régnier, avec le concours de Berthe Bovy, la mère, Germaine Montiro, la fiancée, Marcel Errant, le père, Jean Marchat, la lune, Tony Taffin de la Comédie française, le fiancé, Marcel Lupovici, Léonard, Charlotte Clasis, la servante, Françoise Prévost, la femme, Germaine Ledoyen, la belle-mère, Annie Cariel, la mendiante, Denise Kerny, la voisine. Prêtaient également leur concours à cette émission Marguerite Cassan, Martine Audrin, Linette Lemercier, Robert Moncade, Pierre Leproux, Jean Berger, Claude Marquand. Les airs espagnols ont été chantés par Germaine Montero, accompagnée par Borédon, qui a joué en solo à la guitare les différents airs du folklore espagnol. Prise de son André Papiot, assisté de Jacques Gaillet. Bruitage, Charles Jacquet.